Brûlant secret. Stephen Zweig, 1931. Le partenaire. La locomotive fit entendre un rauque sifflement. On était arrivé au Semmering. Pendant une minute, les noirs wagons stationnèrent sous la lumière faiblement argentée du ciel. Ils rejetèrent un mélange de personnes et en avalèrent d'autres. Des voix nerveuses résonnèrent, ça et là. Puis, la machine siffla de nouveau et entraîna bruyamment la chaîne sombre des wagons dans la gueule du tunnel. Et la paix régna de nouveau sur le vaste paysage, aux clairs arrière-plans balayés par le vent humide. L'un des arrivants, un jeune homme, qui attirait la sympathie et l'attention par son costume de bon goût et par l'élasticité naturelle de sa marche, prit vite, avant tous les autres, un fiacre pour le conduire à l'hôtel. Les chevaux gravirent sans hâte le chemin montant. Il y avait du printemps dans l'air. Dans le ciel flottaient de blancs et turbulents nuages comme on en voit qu'en mai et juin. Ses compagnons toujours jeunes et volages, qui courent en jouant sur la piste bleue pour se cacher soudain derrière de hautes montagnes, qui s'embrassent et ensuite se fuient, qui tantôt se chiffonnent comme des mouchoirs et tantôt s'effilochent en bandeaux, et qui, finalement, comme pour leur faire une niche, mettent sur la tête des monts de blancs bonnets. Il y avait aussi de l'agitation là-haut, dans le vent, qui secouait si violemment les maigres arbres encore tout mouillés par la pluie, que leurs articulations craquaient doucement et que mille gouttelettes en jaillissaient, comme des étincelles. Parfois aussi, le parfum de la neige semblait apporter sa fraîcheur du haut des montagnes. Alors, on sentait dans sa respiration quelque chose qui était à la fois doux et piquant. Tout dans l'air et sur la terre était mouvement, bouillonnement et impatience. Maintenant qu'il dévalait la pente du chemin, les chevaux couraient en soufflant légèrement, et le tintement de leurs grelots s'entendait de très loin. À l'hôtel, la première chose que fit le jeune homme fut de consulter la liste des hôtes, qu'il parcourut, bientôt déçu. « Pourquoi donc suis-je ici ? » se demanda-t-il tout d'abord avec inquiétude. « Être seul dans la montagne, sans société, c'est pire que le bureau. Il est clair que je suis arrivé trop tôt, ou trop tard. Je n'ai jamais de chance avec mes vacances. » Pas un seul nom connu parmi tous ces gens-là. Si, du moins, il y avait quelques femmes, la possibilité d'un petit flirt, à la rigueur même innocent, pour ne pas passer cette semaine trop tristement. Le jeune homme, un baron de cette noblesse autrichienne, de peu d'éclat, issu de la bureaucratie, était employé de ministère. Il avait pris ce petit congé sans aucun besoin, simplement parce que tous ses collègues avaient obtenu en cette saison printanière une semaine de vacances et qu'il ne voulait pas faire cadeau de la sienne à l'administration. Quoique ne manquant pas d'une certaine personnalité, il était d'une nature essentiellement mondaine, recherchée pour cela, et bien vue dans tous les milieux. Il avait pleinement conscience de son incapacité à supporter la solitude, à rester seul en face de lui-même, et il évitait autant que possible ces moments-là parce qu'il ne voulait pas du tout faire plus intimement connaissance avec son « moi ». Il savait qu'il avait besoin du contact des hommes pour faire briller tous ses talents, pour animer la chaleur et la pétulance de son cœur, et que, laissé à lui seul, il était sans valeur et froid comme une allumette dans sa boîte. Mécontent, il se mit à aller et venir dans le hall vide, tantôt feuilletant les journaux avec indécision, tantôt entamant une valse sur le piano du salon sans que ses doigts pussent en trouver le rythme parfait. Enfin, il s'assit dans un coin, de mauvaise humeur, regardant l'obscurité tomber lentement et le brouillard sortir des pins sous forme de vapeur grise. Il émietta ainsi une heure, sans aucun agrément et dominé par ses nerfs. Puis, il se réfugia dans la salle à manger. Il n'y avait d'abord que quelques tables d'occupés et il en fit le tour d'un regard rapide. Vainement. Il ne connaissait personne, sauf là-bas, et il rendit négligemment un salut, un entraîneur qu'il avait connu aux courses. Puis, ailleurs, un visage qu'il avait croisé sur le ring. C'est tout. pas une femme qui lui permît d'espérer, ne fût-ce qu'une fugitive aventure. Son humeur devint plus impatiente. C'était un de ces hommes qui doivent beaucoup de bonne fortune à leur joli visage, et chez qui, à chaque moment, tout est prêt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience amoureuse. Un de ces jeunes hommes qui sont toujours au potentiel voulu pour se précipiter dans l'inconnu d'une aventure, que rien ne surprend, parce que, sans cesse à l'affût, ils ont tout calculé. Qui ne manquent aucune occasion galante, parce que leur premier regard pénètre, inquisiteur, dans la sensualité charnelle de chaque femme, sans faire de différence entre l'épouse de leur ami et la servante qui leur ouvre la porte. Lorsque, avec un certain dédain superficiel, on appelle ces gens-là des chasseurs de femmes, c'est sans savoir combien de vérités positives incarne ce mot. Car effectivement, tous les instincts passionnés de la chasse, le flair, l'excitation et la cruauté mentale s'agitent dans l'attitude de ces hommes. Ils sont sans cesse aux aguets, toujours prêts, et résolus à suivre jusqu'au bord de l'abîme la moindre piste d'aventure. Ils sont toujours chargés de passion, non pas de la passion estimable de l'amant, mais celle du joueur, froide, calculatrice et périlleuse. Il y en a parmi eux d'une ténacité extraordinaire, dont même au-delà de leur jeunesse, toute l'existence se passe dans l'attente de l'éternelle aventure. Pour qui la journée se divise en 100 petits événements sensuels, un coup d'œil en passant, un sourire glissé en coulisses, un genou effleuré quand on est assis en face l'un de l'autre, et l'année, à son tour, en une centaine de ces jours-là. Pour qui, enfin, l'événement sensuel est la source éternellement jaillissante, nourricière et brûlante de la vie. Ici, il n'y avait pas de femme, pas de partenaire. Et il n'est pas d'irritation plus vive que celle du joueur, assis, les cartes à la main devant le tapis vert, conscient de sa supériorité, et qui attend en vain un partenaire. Le baron demanda un journal et laissa couler ses regards maussades sur les lignes imprimées. Mais ses pensées étaient paralysées et trébuchaient contre les mots comme un homme ivre. Soudain, il entendit derrière lui le froufrou d'une robe et une voix légèrement irritée qui disait avec un accent affecté « Mais tais-toi donc, Edgar !» Une robe de soie crissa en passant contre sa table. Il vit une silhouette de femme, grande et bien en chair, avec derrière elle, vêtue d'un costume de velours noir, un petit garçon, pâle, dont le regard l'effleura avec curiosité. Tous deux s'assirent en face l'un de l'autre, à la table réservée, l'enfant s'efforçant visiblement d'observer une correction qui paraissait en contradiction avec l'agitation de ses yeux noirs. La dame, le jeune baron ne faisait attention qu'à elle, était très soignée et mise avec une élégance recherchée. En outre, elle avait un type qu'il aimait beaucoup. C'était une de ces juives un peu grasses, à la veille de dépasser la maturité, manifestement passionnée, elle aussi, mais habile à cacher son tempérament derrière une mélancolie distinguée. Il ne put tout d'abord voir ses yeux, mais il admira la ligne bien formée des sourcils, s'arrondissant avec pureté au-dessus d'un nez délicat, qui, à vrai dire, trahissait la race, mais qui, par sa noblesse, rendait le profil de cette femme net et intéressant. Ses cheveux, comme tout ce qu'il y avait de féminin dans ce corps épanoui, était d'une luxuriance remarquable, et sa beauté, dans la fière conscience qu'elle avait d'être très admirée, paraissait rassasiée et orgueilleuse. Elle commanda le repas d'une voix très basse, rappela encore à l'ordre le gamin qui faisait du bruit en jouant avec sa fourchette, tout cela avec une apparente indifférence devant le regard glissant et prudent du baron, dont elle avait l'air de ne pas remarquer la présence, tandis qu'en réalité, c'était la vigilance active de celui-ci qui lui imposait cette réserve soucieuse. La figure assombrie du baron s'était tout à coup éclairée. Dans leur vie souterraine, les nerfs se mirent à l'animer, firent disparaître les plis, tonifièrent les muscles, si bien que sa taille se redressa et que la lumière brilla dans ses yeux. Il n'était pas lui-même sans ressembler à ces femmes qui ont besoin de la présence d'un homme pour tirer de leur être tout leur pouvoir. Il lui fallait un excitant sensuel pour déployer toute la puissance de son énergie. Le chasseur flaira une proie. D'un air provoquant, son œil chercha à rencontrer le regard de la femme, ce regard qui, parfois, croisait le sien dans un coup d'œil luisant et indécis, mais qui ne lui donnait jamais une réponse claire. Autour de la bouche, il croyait découvrir par instant comme la détente d'un sourire qui commence. Mais tout cela était incertain, et c'est cette incertitude qui l'excitait. La seule chose qui lui parut prometteuse était cette façon continuelle dont la femme dirigeait son regard à côté de lui, parce que c'était à la fois de la résistance et de la gêne, et aussi la nature étudiée de la conversation qu'elle avait avec l'enfant, conversation qui, sans nul doute, était destinée à être entendue. Même la réserve forcée de cette attitude tranquille indiquait, il le sentait, un commencement d'inquiétude. Lui aussi était excité. La partie allait s'engager. Il ralentit savamment son dîner. Pendant une demi-heure, presque sans arrêt, il tint son regard fixé sur cette femme jusqu'à ce qu'il eût dessiné, pour ainsi dire, dans son esprit, chaque ligne de son visage et qu'il eût touché secrètement chaque partie de son corps épanoui. Au dehors, l'obscurité tombait lourdement. Les arbres soupiraient avec une pudeur enfantine lorsque les grands nuages pluvieux se mettaient à étendre vers eux leurs mains grises. Les ombres envahissaient de plus en plus la salle, et les hommes semblaient de plus en plus oppressés par le silence. La conversation de la mère avec son enfant, il le remarqua, devenait toujours plus affectée, plus artificielle, sous le poids de ce silence menaçant. Bientôt, il le sentait, elle allait toucher à sa fin. Alors, il résolut de faire un essai. Il se leva le premier et se dirigea à petits pas vers la porte, en jetant, au moment où il passait près d'elle, un long regard sur le paysage. Puis, brusquement, comme s'il avait oublié quelque chose, sa tête se retourna et il s'aperçut qu'elle le regardait avec des yeux pleins de vivacité. Cela l'excita. Il attendit dans le hall. Elle vint bientôt après, tenant son enfant par la main. Elle feuilleta les revues en passant et montra au petit quelques images. Mais lorsque le baron alla négligemment vers la table, comme pour prendre une revue, mais en réalité pour pénétrer d'une façon plus profonde dans la lueur humide de ses yeux et peut-être même pour engager une conversation, elle se détourna, frappa légèrement sur l'épaule de son fils en lui disant « Viens, Edgar, au lit !» Puis elle passa froidement. Un peu déçu, le baron la regarda partir. Il avait compté que ce soir même il ferait sa connaissance, et cette manière brusque de s'en aller était pour lui une désillusion. Mais, somme toute, il y avait du charme dans cette résistance, et l'incertitude dans laquelle il se trouvait enflammait son désir. Enfin, il avait trouvé son partenaire, et la partie pouvait s'engager.